craindre se dit temer, T-E-M-E-R, penser à téméraire en français. Temoke signifie je crains que, mais peut aussi se traduire par j'ai bien peur que. En utilisant ayudar, comment diriez-vous j'ai bien peur qu'il ne puisse pas vous aider? Ici, on exprime un doute, une possibilité, une émotion, quelque chose de subjectif en somme. Donc, attention, ojo. De nouveau, dites-moi, j'ai bien peur qu'il ne puisse pas vous aider. Temo que no pueda ayudarle. Temo que no pueda ayudarle. En espagnol, si vous êtes malade, vous êtes enfermo. E-N-F-E-R-M-O, au masculin. Pensez à enfermer. Quand on est malade, on reste en général enfermé. À moins que vous soyez invalide et que votre maladie soit permanente, être malade se dit estar enfermo. On emploie estar pour souligner le fait que vous ne vous sentez pas bien en ce moment même, qu'il s'agit d'un état passager. Maintenant, si tousser se dit toser, T-O-S-E-R, avec un seul S, comment diriez-vous, en n'oubliant pas d'accorder le mot malade, quand Carmen était malade, elle toussait beaucoup. Cuando Carmen estaba enferma, tosía mucho. Cuando Carmen estaba enferma, tosía mucho. Donc, comment diriez-vous, en utilisant de nouveau les temps de longueur, je toussais beaucoup? Tosía mucho. Tosía mucho. Comme vous le savez, croire se dit creer. Donc, comment diriez-vous? Je ne le crois pas et je ne veux pas lui répondre. No lo creo y no quiero responderle. No lo creo y no quiero responderle. Vous auriez pu dire aussi no le creo y no quiero responderle. Lorsque le mot le de je ne le crois pas désigne un homme, on peut utiliser soit lo ou les. Toutefois, si le contexte indiquait clairement que ce le désigner une chose, on ne peut employer que lo. Comment diriez-vous maintenant? Pourquoi ne me crois-tu pas, Roberto? ¿Por qué no me crees, Roberto? ¿Por qué no me crees, Roberto? Et si dernièrement se dit ultimamente, U, accent U, L, T, I, M, A, M, E, N, T, E, et grandir, crecer, C-R-E-C-E-R. Comment diriez-vous, en parlant de votre enfant, dernièrement, il a beaucoup grandi? Vous devez plonger ici. Et faites attention à la place de mucho. Je vous redonne la phrase. Dernièrement, il a beaucoup grandi. Ultimamente ha crecido mucho. Ultimamente ha crecido mucho. Remarquez que mucho se place toujours après le verbe et non entre le plongeoir et le verbe. Ha crecido mucho. Il a beaucoup grandi. On a utilisé ici le passé avec plongeoir car on sous-entend que l'intervalle de temps dont on parle, dernièrement, dure jusqu'au moment présent. Cet intervalle n'est pas terminé. On aurait pu dire aussi, s'il y avait eu une précision différente, creció mucho en la adolescencia. On emploie alors le passé sans plongeoir car la personne en question est maintenant adulte et son adolescence est terminée. Il n'y a donc plus aucun rapport avec le présent. En utilisant reconocer, R-E-C-O-N-O-C-E-R, pour reconnaître, dites, elle avait beaucoup changé, mais il l'a reconnue. Había cambiado mucho, pero la reconoció. Había cambiado mucho, pero la reconoció. Et comment traduisez-vous en parlant de Pedro et En utilisant le passé simple plongeoir, ils l'ont reconnu. Quelle chance! Lo reconocieron. ¡Qué suerte! Lo reconocieron. ¡Qué suerte! O le reconocieron. ¡Qué suerte! Revoyons quelques exemples exprimant un ordre. Si maître se dit meter, M-E-T-E-R, comment direz-vous à une personne que vous voyez « Mettez-le dans ma voiture. » Métalo en mi coche. Métalo en mi coche. Il s'agit d'un ordre au vouvoiement. Vous changez donc de chemin. Vous passez aux terminaisons en ar si le verbe se termine en er ou en ir et aux terminaisons en er si le verbe se termine en ar. Vous accrochez aussi lo à la fin du verbe. Ici, on ne pouvait pas dire « les » puisque on désigne un objet et non une personne. Lorsque l'on parle d'un homme, on peut utiliser « lo » ou « les » comme on l'a vu dans les exemples précédents. Mais quand on désigne un objet, on utilise toujours « lo ». Et si tout de suite se dit « ahora mismo », comment direz-vous à une personne que vous voyez « Mettez-le dans ma voiture tout de suite. »« Métalo en mi coche ahora mismo. »« Métalo en mi coche ahora mismo. » Vous pouvez aussi utiliser le verbe « poner » pour dire « mettre ». En utilisant ce verbe « gogo », comment direz-vous toujours à une personne que vous voyez « Mettez-le dans ma voiture tout de suite. » Póngalo en mi coche ahora mismo. Póngalo en mi coche ahora mismo. Si vous avez des doutes, vous pouvez revoir comment donner des ordres dans les autres méthodes Arabes Michel Thomas.